L'avenir appartient à la genèse. C'est dans l'instant présent qu'on fusionne avec nos rêves. Passer sa vie à nourrir son feu, souffler sur les braises. Puis un jour, la lave refroidit et la roche prend la relève.